à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Radioactive pour un nouveau numéro du MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors si en cette période de rentrée vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, d'une formation, si vous vous questionnez sur votre avenir professionnel, si vous avez besoin peut-être de reprendre confiance en vous pour engager ces démarches, alors notez bien ce rendez-vous mardi 24 septembre au Théâtre Beaumarchais, de 10h à 17h, ce sera en effet la deuxième édition du forum Anime-toi, un forum dédié à l'emploi avec des dizaines d'acteurs qui seront présents pour échanger, conseiller, orienter. Cette initiative, elle émane de la ville d'Amboise et c'est Karine Roumanex, l'adjointe déléguée à l'action sociale au CCAS, au logement et aux actions destinées aux seniors qui est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, forte d'une première expérience réussie, la ville a décidé de renouveler ce forum Anime-toi qui avait déjà eu lieu, on le rappelle, en septembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif global de ce rendez-vous ? L'objectif global, c'est de mobiliser tous les acteurs concernés autour de l'emploi, de la formation, des besoins autour d'un nouveau mouvement pour aller vers quelque chose qui sort les demandeurs de leur situation, souvent de précarité. En quoi, Karine, il est différent ce forum et surtout complémentaire des autres forums qui existent déjà ? C'est quoi sa plus-value ? C'est un forum qui mobilise au sens premier du terme parce que tout le monde se déplace, mais qui permet aussi une mobilité une fois sur place. C'est-à-dire que les acteurs présents, que ce soit pour représenter l'emploi, la formation ou l'insertion, tous les acteurs qui sont présents sur ce forum se rencontrent et participent aussi à des ateliers. Au même titre que les demandeurs d'emploi et que les personnes en recherche active, tous les acteurs sont mélangés ce jour-là et participent aux animations, aux mises en situation et joue le jeu de un candidat en recherche d'emploi avec les difficultés que cela peut rencontrer. Alors justement, il y a des mises en situation, vous l'expliquez, notamment des scènes théâtralisées de recherche d'emploi avec l'intervention notamment parmi tous les autres partenaires de Philippe Dulin qui est comédien. Vous pouvez nous parler un petit peu des temps forts de ce programme justement ? Alors, il y a un jeu sur la mobilité qui est proposé par un organisme qui accompagne les demandeurs dans la mobilité. Donc, c'est WeMove notamment. Donc, c'est sur inscription. Les personnes peuvent participer à ce jeu. Il y a un atelier coiffure parce que c'est vrai que la recherche d'emploi, quand on est très éloigné de l'emploi, ça passe aussi par le prendre soin de soi pour avoir confiance en soi et puis pour être plus à l'aise lors d'un rendez-vous. Donc, c'est des choses qui ont été pensées lors de la préparation de cette journée. Voilà. Très bien. Alors, à quelle heure il faut arriver, Karine ? Le début des animations, c'est à 10h30. Je vous invite à arriver dès 10h pour prendre connaissance du lieu et des partenaires qui seront sur place. Très bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations et la totalité du programme ? Parce qu'évidemment, vous avez parlé de quelques temps forts, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Sur les réseaux sociaux, vous retrouverez le programme de ce temps fort du forum Anime-toi, en chemin vers l'emploi, sur le site de la ville d'Amboise également. Et voilà. Ce forum a été coordonné et organisé par Stéphanie Dridi, qui est la médiatrice qui intervient dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est elle qui a fait le lien entre les différents partenaires et qui les a invités à cette deuxième édition. Est-ce qu'on y retrouvera votre acolyte Vincent Rall ? Bien sûr, Vincent Rall sera présent sous sa casquette de délégué à la politique de la ville. Il ne manquera pas de vous rencontrer et de vous présenter les différents partenaires qui seront sur ce forum. Alors, l'information qu'il faut retenir également, qui est très importante, c'est que c'est en accès totalement libre et que ça s'adresse à tous les publics, en fait, aussi. Exactement, c'est un forum complètement gratuit. Vous pouvez venir et vous inscrire sur place, pas besoin de préinscription, et vous pouvez participer aux ateliers sur inscription une fois sur place. Eh bien, merci beaucoup Karine Roumanex. Vous êtes, je le rappelle, adjointe déléguée à l'action sociale, au CCAS, au logement et aux actions destinées aux seniors. Merci d'avoir pris ce temps avec nous et on vous souhaite un très bon forum. Anime-toi. Merci, à très bientôt.